On l'a vu quand c'est arrivé, c'est bon, il y a quelques cyclones. On l'a vu tout de suite à son air. On l'a vu. Elle n'est pas comme d'habitude, elle n'est pas pareille, elle n'est pas comme d'habitude. On lui a monté, on lui a monté la gueule, on lui a monté le crâne. Et chez qui c'est, t'inquiète pas, ça provient de la famille. Chez qui c'est, vous voyez. Et chez qui c'est la famille qui a remonté sa gueule, je m'en doute. Il a bien, l'autre coco, il a bien remonté. Mon oncle Dominique, il est venu, il a remonté son crâne. Ouais, lui, celui-là, lui, il vient à l'hôpital, vous croyez que ça, c'est pas des choses à faire. Il va à l'hôpital, il vient me faire des menaces. Oh, mais attendez, non, mais ça va pas là-dedans. Il y a quelque chose qui coche là-dedans. Il fait des menaces et puis tout. Non, mais il vient faire des histoires dans la chambre. Non, mais c'est pas des trucs à faire, hein. Non, mais attends, il est maoué, il est pas net, lui, hein. Sa maman, il devait être interdit de rentrer. J'avais dit aux infirmières, j'avais dit, si vous ne faites plus rentrer, c'est fini. Ils l'ont fait rentrer encore. Les infirmières, ils ont dit, oh, ben nous, on a le droit de faire rentrer, on n'interdit pas les gens. Voilà. Voilà. Et moi, on m'a répondu ça. Voilà. C'est bien, hein. Super, hein. Voilà. Et il m'a tapé, hein, tout ça, là. Il m'a tapé, là. Il m'a fait des menaces, c'est plutôt, hein. Juste comme ça, là, tout ça, hein. Ça, il a fait jusqu'au là, hein. Ah ouais, hein. Il s'est tapé dans le couloir, hein, en dehors de l'argent, mais c'est bien. Ah ouais, hein. Bah ouais, hein. Il n'est pas net, ça, dans la tête, hein. Ah ouais, hein. Là, il est partout complice, hein, monsieur. Le 4. Là, il est partout complice, le 4. Il va arriver après. Là, il est partout complice, là. Et 6h20, à peu près, hein. Ouais, 6h20, c'est ça. 6h20. C'est déjà 6h20, ça passe vite quand même, l'heure. Déjà, ça tourne, hein, déjà. Non, demain, je viendrai plus de bonheur. Demain, je montrerai de bonheur, demain. Moi, en général, quand je viens à 4h30, je suis là. À 4h30, ben, je suis là, moi. Que je démarre... C'est Damien? Ah non, arrête, c'est pas Damien. C'est moi, 4h30, je suis là. Moi, je sais, j'ai l'habitude de le prendre. Je sais quand même le cas, c'est assez l'heure qu'il est. Moi, demain, je prends mon bus. Non, demain, c'est... Ça sera stop. Demain, je prends mon bus comme d'habitude. Voilà, j'ai mes habitudes, hein, c'est vrai. Chacun ses habitudes, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Regardez quand même que j'ai envoyé un message chez moi quand même. Je vais regarder quand même. Je suis encore content que je viens la voir, à un moment donné encore. Non, mais attends, c'est bon, faut arrêter. Non, attends, elle est pas nette. C'est l'un d'autre, ça peut. Non, mais ça, on lui a remonté la gueule, on lui a remonté le crâne. Ça. On lui a remonté, on lui a bien remonté la tête, t'inquiète pas, on lui a bien remonté la tête. Ça allait comme ça parce que t'inquiète pas. On lui a bien remonté la tête, t'inquiète pas. Et c'est quitté, t'inquiète pas, c'est tout. Oui? Ouais. Mais demain, je suis là aussi, ça va pas se passer comme ça, mais. Demain, je suis là, t'inquiète pas. Moi, à telle heure, moi, demain, je déboule. Et hop, à 4h30, je suis là. Et hop, direct ici, direct. Hop, hop. Prends mon bus, hop, direct ici. Et hop, voilà. Ah non, non, non, elle est pas nette, elle est mal lunée. Mais. Et qu'elle prend ses gouttes, hein. Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Quand il y a encore des bus, hein, qui vient quand même jusqu'ici. C'est vrai, hein. Là, comme elle serait gars, il n'y aurait pas de bus qui viendrait jusqu'ici. Ici, bah, je viens d'abord. Bah, un virait point, ah, ben voilà, ah. Un virait point, ben moi j'irai ailleurs, point barre. Ah. Elle se croit celle-là, elle voit où elle là. Attends, mais elle est pas bien, elle la folle. Là. On me dit que je suis folle, c'est encore moins folle que sa gueule. Là, putain, c'est elle qui est folle. Parce que ça est là-dedans, ça se voit. Hmm? Là-dedans, ça ira en cinglé là-dedans, ça se voit. Hmm? Ça fait un mois qu'elle est là-dedans déjà. Hmm? Moi j'ai merde, je m'en fous, moi j'ai merde, c'est pas mon petit péra, j'ai merde. Moi je débrouille. À sa casserie soi, j'ai merde. Pour mon petit péra, j'ai merde, oh. Alors tu vois, quand elle retourne chez elle, tu verras, alors tu vois la facture, elle verra, elle démerdera. La fois, elle n'avait eu pour pas mal, l'autre fois. Et j'ai vu la note, l'autre fois, j'ai regardé, tu vois quoi, là, la lettre, ça l'avait reçue. Hein, la note, hein. Hein? C'est ma soeur, hein, ça, ils ont payé tout à faire derrière. Ils démerdent, hein, ils débrouillent. Hein. Moi, ils démerdent. Si elle gère ses papiers, c'est ma soeur qui a son pognon. Hein. Ma soeur, elle a son pognon. Hein. Elle sert comme elle veut. Hein. Elle sert du prix comme elle veut, ma soeur. Hein. Elle a un pouvoir, tu vois quoi, Elle peut retirer son euro comme elle veut, quoi. Tu me comprends quand même? Oui. Elle a porté son euro comme elle veut, elle fait ça comme elle veut, quoi. Elle vient, c'est pour ça, tu vois quoi? Elle vient pour elle, tu vois quoi? Là, elle est venue encore, je ne sais pas, elle est venue. Elle est venue encore pour ça. Demain, tu verras, demain, tu verras pas sa gueule, demain, elle ne croit pas, demain. Je le sais quand même, non? Demain, tu verras pas sa gueule, demain, c'est deux, c'est mort, j'en veux pas du deux. Du deux, j'en veux pas, moi. C'est le 4 que je. Le 4, tu vas pas tarder d'arriver, le 4. Moi, j'attends le 4, le 2, j'en veux pas, moi. J'en veux pas du deux. Moi, j'attends le 4, le 2, j'en veux pas, moi, du deux.